France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. 29 janvier 1728, un petit événement se produit à Londres. Un opéra ballade, créé par le dramaturge John Gay, est basé sur des chansons populaires, fait sensation. À l'inverse des opéras baroques en italien, que ne comprennent pas forcément les citoyens britanniques, situés souvent parmi les rois et déesses, cette œuvre se déroule dans les bas-fonds de Londres et a pour héros truands, prostituées et policiers véreux. The Beggar's Opera sera l'un des tout premiers opéras aussi que découvriront les immigrés britanniques venus conquérir l'Amérique à Manhattan, et certains expliquent qu'il s'agit de la toute première comédie musicale de l'histoire. Alors que le Théâtre des Bouffes du Nord propose depuis vendredi cette œuvre, revue et revisitée par Robert Carsen, le metteur en scène de Chantons sous la pluie, et par William Christie, coiffé d'une queue de cheval qui dirige une formation des arts florissants avec des musiciens en jogging et basket, je vous propose ce matin d'explorer en leur compagnie Robert Carsen, William Christie, cette œuvre britannique marquante, rarement vue en France et qui a inspiré de nombreux auteurs et compositeurs, de Benjamin Britten à Kurt Weill, qui le transforma tout simplement en opéra de quatre sous. Rappelez-vous. Über den Räuber Mackies, genannt Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackies, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden, und so mancher reicher Mann. Und sein Geld hatte Mackie Messer, dem er nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kiegelt Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge, Mackie Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktags rein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Dame hält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer festgemacht, aber weiter kann Haupt nur nein. Jedoch eines Tags, und der Tag war blau, kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Als er kein Geld hatte und als er nicht nett war und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht. Es war das Boot am Ufer losgemacht und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und lorsqu'ils écrivent l'opéra de Katsu en 1928, on est en pleine République de Weimar, Kurt Weill, Bertolt Brecht reprennent complètement l'intrigue de The Beggar's Opera. On a entendu la chanson la plus célèbre de l'opéra de Katsu, la ballade sur la vie de Mackie le surineur, un personnage inventé par John Gay dans The Beggar's Opera, un homme à femme. Et puis on vient d'entendre à l'instant celle qui vient d'épouser Mackie et qui se trouve aussi être la fille du roi des bandits. Un roi des bandits qui se montre furieux de ce mariage et ne désire qu'une chose, la mort de Mackie. Un extrait pour débuter donc de l'opéra de Katsu sous la direction de Wilhelm Bruckner Rüggerberg avec Wolfgang Neuss dans le rôle du baladin et à l'instant Sona MacDonald dans Barbara Song, l'une des très belles chansons confiées à Polly par Kurt Weill dans un enregistrement par l'ensemble moderne dirigé par Heinz Karl Gruber. Voilà, ils y sont tous les personnages de l'opéra de Katsu déjà dans The Beggar Opéra, Polly, Mackie, Pitchum et sa femme, des personnages donc créés par John Gay en 1728 dans The Beggar's Opera, en français l'opéra du gueux, et qui sera un énorme succès, 62 représentations à l'époque, des performances dans d'autres grandes villes britanniques et un spectacle repris chaque saison jusqu'à la fin du siècle. Un spectacle qui connaîtra une nouvelle carrière en 1920 à Londres. Et c'est là, d'ailleurs, que Brecht le découvre en 1927 et demande de le faire traduire. L'opéra du gueux est recréé au Lyric Theatre de Hammersmith. Il sera joué durant 1463 représentations avec une partition révisée par Frédéric Austin. On a des enregistrements de 1920. Voici donc Mackie et Polly ensemble dans l'opéra du gueux. C'est Sylvia Nellis avec sa voix limpide qui incarnait Polly. Frédéric Ranallo, celui du débonnaire Mackie, autant d'acteurs qui viendront des vedettes à Londres. Alors évidemment, ça gratte un petit peu. My heart dwells. lady don't Greenland coat, and in my arms embrace my lass, warm amidst eternal frost. Too soon the happiest night would pass, where I stood on Indian soil, soon as the day was done, I could mark that sultry pile. When on my southern breast recoil, I would love you all the day. Every night would be with me you'd fondly stray. Over the hills and far away, where I need a human soul, if my heart and my hand, for the midst of the world, when on my heart and my hand, I would love you all the day. Every night would kiss and play. If with me you'd fondly. Macky et Polly qui se comptent fleurettes dans l'opéra du Gueux en 1920 lors de la récréation très populaire à Londres de cette œuvre signée John Gay. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. John Gay, c'était d'abord un poète, un dramaturge anglais. Il connaissait l'opéra parce qu'on lui doit le livret notamment de Assis et Galatée de Handel 10 ans plus tôt. Mais voilà, il était désenchanté par ce qui se passait à Londres, déjà au niveau politique, au niveau du pouvoir royal, au niveau social. Il affectionnait la vie populaire anglaise et satirique. Et avec cet opéra qu'il crée en 1728, il va un peu taper partout. Il parodie à la fois les conventions de l'opéra, dit seria, qu'il juge un peu trop pompeux, avec ses nymphes, ses thèmes situés dans les royaumes, dans les cieux et ses personnages grandiloquents. Du coup, il va situer son opéra-ballade dans le milieu populaire, les prostituées, les escrocs, et il va se moquer du coup du snobisme aussi de l'opéra italien. Comme dans l'opéra de Katsu, l'opéra du Gueux raconte l'histoire d'un caïd, Pichum, qui apprend que sa fille s'est mariée donc à un chef de gang ennemi, qui plus est homme à femme, et qui du coup ne pense qu'à une chose, eh bien, en s'associant au directeur de la prison corrompu, le faire arrêter et lui faire rendre gorge, en amassant du coup, pour sa fille, un petit magot d'héritage. The Beggar's Opera sera un ballade-opéra. John Gay renie les récitatifs chantés qu'on a l'habitude d'entendre dans les opéras. Non, place à des dialogues parlés qui s'enchaînent souvent à des mélodies très courte. On compte 69 airs dans The Beggar's Opera, des airs qui ne sont pas composés pour l'œuvre elle-même et qui viennent en fait de chants traditionnels, des chants populaires, et certains airs viennent même d'opéras de Purcell ou de Handel. En fait, John Gay invente un nouveau genre qui va faire fleurir au Royaume-Uni à cette époque, le ballade-opéra, mais c'est quelque chose qui vient de France, comme l'explique William Christie, le directeur musical de la reprise de ce Beggar's Opera actuellement au Bouffes du Nord, interrogé par Victor Tribault-Lapierre. Il existait avant John Gay, et bien avant The Beggar's Opera, la même chose en France. Une musique pour les foires, ces moments populaires, présent comme un élément culturel à Paris surtout, enfin depuis le Moyen-Âge, mais qui a eu une importance musicale à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, où on mélangeait la musique de Lully par exemple, mais qui est devenue tellement populaire, connue par tout le monde, mais aussi avec des airs populaires, dans un contexte de parodie, de satire, pour des gens qui fréquentaient ces fameuses foires. Très répandu et extrêmement apprécié. Non seulement par la bourgeoisie parisienne, mais par tout le monde. Un petit peu comme la comédie musicale d'aujourd'hui. John Gay, c'est évident que c'était grâce à ses contacts avec les musiciens français, les comédiens français, qui fréquentaient Londres et qui se produisaient à Londres. Fait qu'il a eu cette idée d'adapter... une tradition française, je veux dire, en incorporant la musique populaire, ancestrale même, anglaise, dans un contexte de théâtre, enfin, n'est-ce pas, d'une pièce de théâtre. Through all deployments of life, each neighbor abuses his brother. War and robe, they call husband and wife. All professions be robed one another. priest calls the lawyer a cheat. The lawyer benames the divine, and the statesman because it's a great feat. His trade as honest as mine. The priest calls the lawyer a cheat. The lawyer benames the divine, and the statesman because it's a great thinks his trade as honest as mine. Thinks his trade as honest as mine. Thinks his trade as honest as mine. Notre fille est une triste putain, chante en chœur Pitchoum et sa femme. Pitchoum, le chef des bandits, et sa femme, ils sont tous deux furieux d'apprendre que leur fille s'est mariée en douce avec un bandit ennemi. Alors on l'entend, c'est des moments très comédie musicale. En même temps, je vous ai choisi une version avec Angela Lansbury dans le rôle de Madame Pitchoum, grande comédienne de Broadway, Angela Lansbury. Dans le rôle de Madame Pitchoum, la femme du caïd, et puis son mari était incarné par Alfred Marx. C'était un enregistrement par le National Philharmonic Opera sous la direction de Richard Boninge. The Beggar's Opera, vous l'avez compris, c'est une œuvre satirique. Alors voici un moment vraiment très drôle aussi lorsqu'on découvre... quelques instants plus tard, Mackie, avec sa propre bande de truands. On se rappelle que dans l'opéra de Katsu, Mackie se fait arrêter parce qu'il est dénoncé par une prostituée dans un bordel. Eh bien, c'était déjà le cas dans l'opéra du Gueux en 1728. Voici Mackie d'abord au milieu de sa bande de voyous, revenant de chez Polly, à qui vous avez entendu tout à l'heure, il promettait beaucoup d'amour. Mais voilà, là au milieu de ses copains, il se vante de pouvoir aimer plusieurs femmes. Et puis, Mackie... au milieu de jolies femmes, c'est le morceau suivant, des femmes qui vont évidemment le perdre. Je vous ai choisi là l'extrait d'une production très comédie musicale aussi, de The Beggar's Opera. C'était mise en scène en 1968 à Londres par Harold Prince, le fameux metteur en scène de Sweeney Todd, de Cabaret et du Fantôme de l'Opéra, avec James Cousins dans le rôle de Pitchoum et Peter Gilmore dans celui de Mackie's. Fill every glass for wine, inspires us and fires us with courage, love and joy. Women and wine should life employ. Is there aught else on earth desirous? Fill every glass for wine, inspires us and fires us with courage, love and joy. Are we thieves more dishonest than the rest of mankind? What we win, gentlemen, is our own, by the law of arms and the right of conquest. Yeah. Who is there here would not die for his friend? Who is there here that would betray him for his own interest? Who are the true robbers of mankind? The rich. The miserly. The covetous. Those with an unused superfluity. Well said. Fill every glass. Fill every glass. For wine drinks glasses and vases with cars and schlosses with joy. Fill every glass. For wine drinks glasses and vases with cars and schlosses with joy. Women and wine should life employ. Is there aught else on earth desires? Fill every glass. For wine drinks glasses and vases with cars and joy. If the heart of a man is depressed with cares, the mist is dispelled when a woman appears. Like the notes of a fiddle, she sweetly, sweetly raises our spirits and charms our ears. Roses and lilies her cheeks disclose, but her ripe lips are more sweet than those. Press her, caress her with bliss as her kisses dissolve us in pleasure and soft repose. The barn door crowing. The cock by hens attended. His eyes around him thrive. Suspended. Then one he singles from the crew and cheers the happy hen with a how do you do and a how do you do and a how do you do again. Function otherwise. In pimps and politicians, the genius is the same. They gain their high positions through others' guilt and shame. With a tongue well tipped with lies, oh, what cunning they devise. And with a heart that's all disguise, keep their schemes unknown. Seducing as the devil, they play the tempter's part. And have when most they're civil, most mischief in their eyes. Each a secret commerce drives, first corrupts and then connives. And by his neighbor's vices thrives, for they are all our own. In pimps and politicians, the genius is the same. They gain their high position through others' guilt and shame. With a tongue that tip with lies, oh, what cunning they devise. And with a heart that's all disguised, keep their schemes unknown. Each a secret commerce drives, first corrupts and then connives. And by his neighbor's vices thrives, for they are all our own. L'arrestation de MacHeath par Pitchum, dénoncée par les jolies filles avec qui il prenait du bon temps, et l'entente en musique de Pitchum et de ses jolies filles. C'était donc un extrait de The Beggar's Opera de John Gale, cette comédie musicale, cette opéra ballade créé en 1728, qui est sur la grande affiche ce matin de la 42e rue de France Musique. Alors on l'a compris, c'est une parodie, cet opéra. C'est d'ailleurs inspiré d'une affaire réelle au 18e siècle, l'affaire Jack Sheppard. Sheppard qui avait inspiré justement MacHeath était à l'époque l'ennemi public numéro 1. Il s'était retrouvé trahi par un rival du milieu londonien dénommé Jonathan Wild. La musique aussi est parodique. On crédite souvent le musicien allemand Johann Christoph Pepusch de l'orchestration des œuvres, car il ne les a pas composées, ces 69 airs qui émaillent l'opéra du Gueux. Sur ces 69 airs, en fait, 28 sont des ballades traditionnelles ou des chants populaires qui existaient à l'époque, 23 sont des chants irlandais, écossais ou même français, il y a même une gigue par exemple, et puis les autres sont des airs qui viennent d'opéras signés Handel ou Purcell. En fait, au départ, lorsque le spectacle a été créé, aucun orchestre n'était prévu, puis finalement, on a demandé à Pepusch d'écrire des orchestrations et il ajoutera également une ouverture. Dans l'opéra du Gueux, John Gay se moque, on l'a dit tout à l'heure, aussi de l'opéra. Et par exemple, il évoque une querelle de diva de l'opéra de l'époque. Il y avait deux prima donna, des œuvres de Handel qui se crêpaient le chignon, généralement Francesca Cuzzoni et Faustina Bordoni. Et bien, dans l'opéra du Gueux, il fait se crêper le chignon deux femmes qui sont amoureuses de MacHeath. Il y a la fille de Pitchum qu'il a épousée en secret, mais aussi Lucie, la fille du directeur de la prison à qui il avait promis sa main. Les deux filles donc vont se crêper le chignon dans des airs sur scène. Alors selon les enregistrements, c'est plus ou moins violent. Je vous ai choisi une version plutôt douce avec Kiri Te Kanawa et John Sutherland. Une autre bataille entre deux femmes, les deux femmes de MacHeath, c'était Anne Murray et Yvonne Kenny dans The Beggar's Opera façon Benjamin Britten, enregistré par Stuart Bedford, un enregistrement paru chez Argo. Britten, parce que The Beggar's Opera de John Gay n'a pas seulement inspiré Kurt Weill, d'autres compositeurs s'en mêlent. Benjamin Britten, compositeur britannique de renom, passionné par les chants traditionnels, va réarranger les morceaux à sa façon en utilisant un orchestre restreint. Et ce qui intéressait Britten à travers cette orchestration qu'il va refaire, c'était de retrouver le côté âpre et bizarre, l'atmosphère étrange et austère de l'œuvre. Il y en a un autre qui va s'intéresser à l'opéra du Gueux et va réarranger à sa façon la musique, c'est Darius Milhaud. L'opéra du Gueux de John Gay va inspirer d'autres auteurs de comédies musicales. En 1946, Duke Ellington compose Beggar's Holiday sur un scénario de Dale Wasserman, l'auteur de L'Homme de la Mancha, avec Alfred Drake dans le rôle de Mac Heath. Alors, il ne reste pas d'enregistrement de cette production qui n'est pas restée très longtemps à l'affiche, mais Lena Horne connut un grand succès avec le morceau qui refermait le premier acte, Tomorrow Mountain. We are trapped in Twilight Alley. There's no place we can run. I have news of a wonderful valley beyond the new rising sun. Just across Tomorrow Mountain, every girl is queen of the main. All the kittens, I'm told, are made of gold, and there ain't no bills to pay. Won't you cross that distant mountain where it rains Chanel number 5? And the gutters, I think, are lined with mink, and the diamond bushes thrive. Pigs trot around, already roasted. Won't you have a slice of ham? Marshmallows bloom, already toasted. And the clouds are made of marmalade and jam. Can't you see Tomorrow Mountain? Can't you watch it shimmer and glow? It's a wonderful town, it's upside down, and it's full of easy dough. Let's pack our grips and go. Where the people are grand and time is planned, so it's Christmas every day. Under cigarette trees, we'll take our ease while the cops fan off the blinds. There you will be, a lucky sinner, with no conscience for your guide. Each horse you pick will be a winner, and the doors of every bank are open wide. Just across Tomorrow Mountain, there's a life that's fancy free. On the platinum street, we'll plant our feet. It's a land that's fantasy. Won't you travel there? he's a man. He's a scout, he's a snitch, like a rooster in the barnyard, where the chicken fighting not to him. He waits for the crowd and he growls long and loud, anytime he takes the wind. A rooster struts around the chickens with a feather and his bright red comb. If a dozen or two don't say how do you do, Cara Dibari incarnait Jenny, la prostituée qui dénonce Mackie dans Beggar's Holiday, une invention, une création de Duke Ellington juste après-guerre qui a eu une seule, eh bien, un seul enregistrement intégral. C'était en France en 2012. C'était un extrait de Beggar's Holiday. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Qui était donc inspiré, Beggar's Holiday, par cette opéra ballade qui est ce matin sur la grande affiche, Beggar's Opera, et qui va en inspirer d'autres compositeurs. En 1979, par exemple, Chico Buarque. Alors ça va devenir un film, et cette fois, Mac East s'appelle Max, un vaurien qui fréquente les cabarets du quartier chaud de Rio de Janeiro dans les années 40, qui entretient une relation avec une prostituée et qui fait un jour la rencontre de la fille d'un propriétaire de cabaret prêt à tout pour devenir riche. La musique est un petit peu différente. Si você quer mesmo saber por que ela ficou comigo, eu digo que não sei. Se ela ainda tem seu endereço ou se lembra de você, confesso que não perguntei. As nossas noites são feito oração na catedral. Não cuidamos do mundo um segundo sequer. Que noites de alucinação passo dentro daquela mulher. Com outros homens ela só me diz que sempre se exibiu e até fingiu sentir prazer. Mas nunca soube antes de mim que o amor vai longe assim. Não foi você quem quis saber. Nossas noites são feito oração na catedral. Não cuidamos do mundo um segundo sequer. Que noites de alucinação passo dentro daquela mulher. Com outros homens ela só me diz que sempre se exibiu e até fingiu sentir prazer. Mas nunca soube antes de mim que o amor vai longe assim. Não foi você quem quis saber. Não foi você quem quis saber. C'est Edson Cellulari qui incarnait le personnage de Mackie dans cette adaptation de The Beggar's Opera par Chico Buarque dans une œuvre qui s'intitule tout simplement Opera do Malandro. Inspiré donc de The Beggar's Opera de John Gay. Alors cet opéra, rappelez-vous, comme l'opéra de Katsu, se termine en 1728 par l'arrivée in extremis, alors que Maki est condamné à la pendaison, l'arrivée d'un messager qui explique qu'un tel spectacle ne peut pas mal finir, il faut un happy end. Au Bouffe du Nord, où Robert Carsen réinvente depuis vendredi l'opéra du Gueux, c'est l'annonce salvatrice de la défaite de Theresa May et le retour des socialistes au pouvoir au Royaume-Uni qui sauve in extremis le héros de la corde, puisqu'il est nommé par le nouveau Premier ministre, ministre de la Justice, alors que le Brexit est plusieurs fois rappelé. Vous l'avez compris, c'est une adaptation au goût du jour que propose Robert Carsen au Bouffe du Nord, avec un Maki qui semble tout droit sorti de Grise avec son perfecto, et une Polly qui ressemble vraiment, avec sa tenue rose, à Sandy, la petite amie de Danny Zuto. Ils évoluent tous dans le milieu de la hype, une mise en scène très avenante, très comédie musicale, avec dans le rôle de Maki, Benjamin Purkis. C'est Benjamin Purkis qui incarne Makis dans cette nouvelle production de The Beggar's Opera, actuellement au Bouffe du Nord, sous la direction musicale de William Christie. Étonnant, William Christie installé devant son clavecin avec une queue de cheval qui lui donne l'air d'un chef de caïd et entouré de musiciens qui lisent la musique sur leur iPad, habillés en tenue de sport et de chaussures de sport. C'est un spectacle où Robert Carsen, le metteur en scène de My Fair Lady et Singing in the Rain au Théâtre du Châtelet, ajoute plusieurs numéros de danse plutôt urbaines, en particulier à l'ouverture et à la fin de cette œuvre, ce qui lui donne définitivement des allures de comédie musicale. J'ai demandé à Robert Carsen si The Beggar's Opera était, selon lui, la première comédie musicale. C'est la première fois que le texte et musique est mis ensemble comme ça, avec des chansons existantes, telles plus tard ils ont fait avec Singing in the Rain ou Mamma Mia. C'est un jukebox comédie musicale qui met en dérision la société autour d'elle, les hommes de pouvoir, l'argent, l'avarice, la corruption. C'était comme ça en 1728 quand ça a vu le jour et ça a connu un succès éclatant parce que les gens n'ont jamais vu une œuvre comme ça. Là, on a une distribution de voleurs, des officiels corrompus, des prostituées. Tout est complètement mis à base. Donc c'est l'inverse des dieux, des princesses, des magiciens, etc. qu'on trouve dans l'opéra baroque. Et c'était ce côté terre à terre, très direct, très grinçant un peu aussi. Et avec Ian Burton, nous avons fait une nouvelle version, mais on a pris ce texte, mais en respectant l'idée que ça doit parler de la société en face d'elle, donc on n'avait pas d'autre possibilité que de le moderniser et le situer dans Londres d'aujourd'hui. Le vol, c'est des iPhones ou c'est des cartes American Express, mais c'est aussi l'argent, c'est tourne beaucoup autour de la drogue. C'est quelque chose de très urbain, donc on a dû rendre comment est la vie dans les villes aujourd'hui, qui est un peu différent qu'à cette époque, mais les principes, hélas, de la corruption et le détournement de l'argent public et tout le reste restent les mêmes. Et on a aussi ajouté de la danse. Je pense que c'est la première fois qu'il y a de la danse dans le Beggar's Opera, parce que d'habitude, c'est cette pièce avec les chansons, mais moi, j'avais vraiment envie de... que ça danse, puisque pour moi, quand je pense à la première comédie musicale, il y a la danse, et je pense que c'est un élément très important. We hang your husband, child, it's true, but with him hang your care. Twang, dang, dearly, twang, dang, dearly. Lucie qui chante son amour pour Macky à son père geôlier, incarné au théâtre des Bouffes du Nord par Olivier Barreton. C'était If Love's Sweet Passion. Et puis auparavant, le duo entre les deux amis, le directeur de prison et le chef de gang, Pitchum et Lockett, incarné par Robert Bert et Craig Thunberg. Deux extraits de ce que vous pouvez entendre et voir au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 3 mai, The Beggar's Opera. On vous le conseille vraiment, c'est rare que cette œuvre soit présentée en France. Le spectacle tournera d'ailleurs la saison prochaine, notamment à Angers, à Saumur, à Caen ou à Rennes. On vous a mis les informations sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Dans l'actualité des comédies musicales, ne pas rater, dans 15 jours, du 4 au 6 mai, un week-end, Leonard Bernstein et la Philharmonie, le cinéma, les psaumes hébraïques, Broadway. Eh bien, la Philharmonie explorera tous les genres où s'est aventuré le compositeur, avec notamment le spectacle d'Isabelle Georges, Bernstein, du Shtetl à New York, vendredi 4 mai à 20h30, avec au programme, par exemple, cette très belle chanson qu'il avait composée pour l'adaptation de Peter Pan en comédie musicale. May come and hide the moon Linda Eder, Daniel Arducci, Spring Will Come Again, extrait de Peter Pan de Leonard Bernstein, qui sera interprété notamment par Isabelle Georges le vendredi 4 mai lors de son concert spécial Bernstein. Le week-end à la Philharmonie de Paris autour de Leonard Bernstein, c'est du 4 au 6 mai. Plus d'infos, bien sûr. Et puis aussi la programmation musicale de l'émission, c'est sur francemusique.fr, sur la page de 42e rue. Vous le savez, cette émission est la vôtre. Vous pouvez réagir, commenter, nous envoyer vos suggestions. Par exemple, sur la page Facebook de 42e rue et sur Twitter avec le hashtag 42 rue. Le prochain cabaret 42e rue, notez-le, c'est le 6 mai en direct du studio 105 avec le Duke Ellington Orchestra de Laurent Mignard pour Jazzy Poppins, une version de Mary Poppins revue et corrigée par Duke Ellington. Réservation indispensable, comme toujours, sur maisondelaradio.fr. 42e rue, Martine Moni, Adelino Mello, Perrine Mingui, Laurent Vallière, on vous souhaite un très bon dimanche. À réécouter sur francemusique.fr.